Tamam şu soluyu sana da ben de besin dışı sanır Jeno de ben Dans de ma rime Ça me ferait quoi Entre-moi du personnel Je ferai quoi À ma main dans ce thème C'est pas pour moi Offre-moi la tour Eiffel Je ferai quoi Pam, pala, pam, pam, pala Je veux l'amour, la soif de la bonne humeur Ce n'est pas votre sang qui fera mon bonheur On se fait crever la main sur le cœur Alors on s'en décrivit la liberté Oubliez donc que vous puissiez Bienvenue dans la réalité Excusez-moi Fini les fantaisies, voilà Je m'accorde de l'âme Ça demande des noms de toi Regarde-moi Toute mon autre zone pas Explique comme ça Baby